Magnifique. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد عندك يا أخنا محمد بارك الله فيك عمر لماذا ممنوع من الصرف؟ عمر عالمية العدل العدل العدل نعم العدل. طيب ما معنى العدل؟ يعني لينو عرب لينو عرب لا عمر سي je crois pas qu'il y a plus arabe qu'arabe. Omar n'est pas arabe, Omar. Non, parce que l'ami peut changer. L'ami peut sous le A, c'est pas ça. Andek. Ah, pas bien expliqué, c'est la même chose. Andek. Amir. C'est-à-dire, on a dit l'alamia. Non, c'est pas ça que ouais. Tout mélangé. Il n'est pas arabe, on a changé. On a... Ah, quand vous dites quelque chose, dites quelque chose de clair. Pour bien expliquer. C'est-à-dire quoi, Omar, l'alamia. T'as vu, on avait dit quoi? Que le prénom, il fallait une deuxième cause. Faux, mais on sait, on a les grammairiens se sont aperçus que quoi, que la forme de Omar à la wazn fou'al, comme on voit Omaro, Zofaro, Hubalo, Udilou à la mada à la wazn fa'al, hein, comme Amir, il a fait. Taïb, barakallahu fik. Akhar, ni madame m'a mis le sarf. Kharaja min al-fas, Hamzatu wa Talibun, Akharu. الوصفية و وزن أفعل طيب آخر نوتيز بور كي ماسكولان طيب أخرى ممنوع من الصرف لماذا ألف تأنيث نوتيز بور فيمينا أحسنت طيب لما تقولون ما لا تفعلون الما هنا ما هي لما تقولون ما لا تفعلون الما يسي سيكوا ما الموصولة طيب كمان سيكس ما الموصولة الذي معناه الشيء طيب كم من ما هنا يتفجي لا وهبي ما ما استفهامية ما موصول والما نافية نعم اكزامبل ما استفهامية ما هجبة كي ما أتورى هاد ما؟ لا ما استفهامية. ما هذا؟ لا ما هذا؟ ما اسمك؟ ما النافية؟ ما كلو اليوم. ما كلو كم صديقك؟ بن فرانس ما كلو. Tu viens vers un frère, tu dis ما كلو. Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire, frère? Va vers un frère à la غرفة là, tu dis ما كلو اليوم. Non, c'est pas une phrase. Abdelkarim, sois un peu, voilà. Tu peux pas mener sur ça alors que c'est pas censé. C'est vrai. Je viens vers Kamal, je fais ma calo. Qui les chiens, les animaux, les frères les... Ah, c'est vrai, Abdelkarim. De temps en temps, tu fais des réactions comme si je veux pas te contredire. Mais ma calo, est-ce que c'est sans. Ah, Allah ybarik fik. Un exemple. Ma akoul. Fasoul. Et si le ma ici, le fait de rentrer dans le mudara, ça fait quoi? Ça l'a rendu plus tard. Yanni, en fait, je Moustakbel. Voilà, je ne mange pas. Non. Jamais. Et toi? Ça met sur le waqt al-hal. C'est ça? Non. Ouais, puis ça fait comme ça. T'as vu? Allez, frère, moi, quand je vous corrige, c'est vrai que si on pouvait faire le 2 en 3 semaines, ça ne me dérange pas. Allah ybarik fikoum. T'as vu? Ahsan Abdel Majid. C'est-à-dire, le ma, il a dakhalat ala mada, al-mudarat, ou khalli souhou ila al-hal. طيب انا دي سي كوا لا ديفيرونس ايمان entre le Coran et le Mushaf المصحف يتضمن القران يتضمن كلام الله لا نو المصحف يتضمن كلام الله صدق القران سي كلام الله القران كلام الله المصحف سي نعم طيب سي بار سي pour ça qu'on peut pas dire par exemple quoi Coran مصري او Coran سعودي الى اخر اما نستطيع ان نقول هذا مصحف مصري الى اخر مفهوم او هل نستطيع ان نقول قران كبير او صغير لا احسنت طيب هذا الخبر غير صحيح الاعراب هذا الخبر مبتدا هذا مبتدا الخبر انا يدي بدل سبب ما بالوقت plus tard وغير on avait dit khabar طيب et ce qui vient après on avait dit quoi il sera toujours مضاف اليه ها طيب ان شاء الله احسنت الكلمات الجديده طيب comment on dit tissu قماش avec le pluriel hein Akmisha. Taïb, Akmisha. Taïb, comment on dit rang? Safoun, Safouf, photo. Souaratoun. Pas Souaratoun. Souaratoun. Et le pluriel, Souaroun. Non. Quelque chose d'étroit, serré. Comment? Révisez les frères. Hein. Handicap de quel? Soyez F2. Étroit, étroit. C'est toi qui m'as demandé en plus. Zayir F2. Zayir Koun. Ah, Zayir. Taïb, Zayir Koun. Taïb. Quelqu'un de brun, mat. Smar. Asmar. Asmar. Et le plus féminin, Samara. Samara. Rayur. Moussattar. Moussattaroun. Le verbe s'absenter. Raba. Yarib. Taïb. Bismillah, les frères. الدرس السابع عشر بسم الله لما خرجت من الفصري يا عام يا عمار يا عامر يا عامر كمل ها لما خرجت من الفص يا عمار خرجت لأشرب الماء نعم ولما خرج ياسر معك نعم عمار كيكون يا عمار ضن الإسلام Il y a quelque chose sur Ammar ? Ammar Ibn Yasser. Ouais, alors ? Il est... Ses parents, c'est les... Sa mère, Umm Soumiyyah, hein ? C'est la première martyre de l'islam. Non. Ahsan, barakallahu fik. Li yakhsila. Non. Le dars d'aujourd'hui, ce sera quoi ? On va rentrer dans Al-Mudara' quand est-ce, c'est-à-dire quand il devient Mansoub. Hein ? On a étudié Al-Murfou. Et là, on a vu le Medzouma, on n'a pas encore le Moudara. Hein? Al-Mansoub. C'est pour ça que là, l'Iyarsila. Tu dis plus l'Iyarsilo. Taïb. Barakallahu fik. Au suivant. Ya Oustazou, Ana Oudra, An Ajlisa, Huna, Amamaka. Et la même chose aussi, hein. An Ajlisa. An Ajlisa, Huna, Amamaka. T'as bien lu, hein, c'est bien. Maqadi, Ba'idou, Anka. Wa min hunaku, wa min hunaka. C'est-à-dire qu'ici, le ma, c'est-à-dire quoi c'est la négation du verbe, hein, kataba non. C'est quoi C'est le. Mansoul. Très bien, c'est-à-dire quoi Wa min hunak la ara alladhi taktubu. Ahsant. Un tajlisa. وهو غائب منذ أسبوع اسمعوا يا أبنائي تبدأ عطلة الصيف بعد شهر أين تذهبون في هذا في هذه العطلة السلام عليكم بعد الطلاب بعد الطلاب بعد الطلاب نريد أن تذهب لا أن نذهب أن نذهب إلى إلى بلادنا إلى بلادنا très bien suivant أين تريد أن تذهب أنت يا هاشم أريد أن أذهب إلى مصر نعم لما تريد أن تذهب إلى مصر أريد أن أذهب إلى مصر إلى مصر عفوا انا اريد ان اذهب الى مصر الى مصر ابا اوت لي فرا بوك تو مون انتون طيب زورا لي ازورا بلادي هذه نعم سوا تو Après, tu n'as pas préparé le texte. Il a un kha. C'est pas possible. Un son. Le ya avec le fatha. Le ya, c'est une prolongation de quoi, les frères? La kasra. C'est impossible. Ça, normalement, c'est une faute. Tu ne pourrais même pas faire. Le ya, c'est une prolongation de quoi? D'une kasra. Il a akhi. Akha. Là, il a akhi. زورا أخي الذي يدرس في الجامعة الأزهر. أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. طب دي كلمة. وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ très bien. وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ أريد أن أذهب إلى لندن. ألا تريد أن تذهب إلى بلدك؟ نعم لا أريد أن أذهب إلى بلدي. هذه سنة أريد أن أذهب إلى لندن. prononce qui à la fin. أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس لغة الإنجليزية هناك. Non. Est-ce qu'il y a des Anglais qui disent ça, par exemple, je vais aller en Arabie Saoudite, au Yémen, yadrosa, l'oral arabia? Très peu. Et malheureusement, ça c'est de plus en plus. Tu vois, des Arabes, ils veulent apprendre l'anglais, ils veulent apprendre des autres langues. Alors que dans l'islam, il a les darura. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a ordonné aux sahabi d'apprendre l'hébreu, c'était pourquoi? C'était pas pour qu'ils puissent parler cette langue. Là, car il leur faisait pas confiance. Bon, mais après, il y avait une baraka minallah. Ils disent en 2 semaines, il a appris leur langue. Tu vois? Et il a appris ça où? À Médine. Il n'a pas envoyé là-bas chez les Hébreux. C'est-à-dire, il était encore avec les musulmans, les sahaba. Alors que maintenant, tu vois, des gens, ils vont chez les kuffars pour apprendre cette langue. Il va là-bas, il a appris la langue, il a appris même le kuffar. Tu vois? Pour ça, faites attention. Certains, ils prennent cette histoire comme dalil. Alors que cette histoire-là, elle n'est pas pour eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a les darura. Ça veut dire, c'était dans le besoin. Car les juifs, c'était des gens du livre. Tu vois? Et c'est pas tous les sahabis qui apprenaient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu Umar ibn Khattab en train de lire dans un feuillet, ça veut dire, comment on dit ça en français, barakallahu fikum, de la Torah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé. Il a dit, si Moussa était présent, vivant, il aurait qu'à me suivre. Regardez. Ça veut dire, ce qu'il y a dans le Coran, c'est ce qu'il faut. C'est suffisant. Tu vois? C'est pour ça que certains ont pris ce dalil-là alors qu'ils ont oublié ce hadith-là du prophète avec Omar. Barakallahu fikum. Ala yumkinuka an tadrusa al-lughata al-ingliziya fi baladika? Na'am, la yumkinuni dhalika li'anna ahli li'anna ahla ahla baladi yadrusuna al-lughata al-fransiyyata ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. في أي كلية تريد أن تدرس في؟ أن تدرس. أن تدرس. Regardez l'importance de savoir le mudhara. Hein? C'est-à-dire que ça soit majzoum ou mansoub, il faut savoir le conjuguer. في العام المقبل يا مروان. مروان. أريد أن أدرس في كلية. أن أدرس. أريد أن أدرس في كلية الشارعة. للعلاج. أريد أن أذهب إلى الولاية المتحدة للعلاج. يا أستاذ يكاد تجلس. يا رب الله يبارك فيك. يا أستاذ يكاد الجرس. الجرس. يرن. يرن. أرجو أن تسمح لنا. أن تسمح لنا. تسمح لنا. بالخروج الآن. الخروج الآن. قبل أن يخرج الطلاب الآخرون. الآخرون. بقي ثلاث دقائق يمكنكم يمكنكم si tu dis taïm, si tu la liaison taïm, c'est bien. Baqiya thalath daqaiq. Après el khuruj. El khuruj. C'est si tu dis directement prononce la dama à la fin. Jazakallah khair. Vas-y. يمكنكم الخروج. يمكنكم الخروج. الآن اخرجوا. اخرجوا بهدوء. بهدوء. Même une fois, Cheikh Mughbir, rahimahullah, il lui a posé la question. Il dit à Cheikh, quelqu'un qui veut apprendre la langue, l'anglais ou le français. Il a dit non. C'est-à-dire pour faire la da'wah. Il a dit là, Allah facilitera quelqu'un qui traduira. Vous avez compris ça? Combien de frères anglais maintenant? C'est des frères. Ben lui va traduire. Il dit là, tashghal bi nafsak. Il dit, te préoccupe pas de ça. C'est vrai. Tu vois, certains arabophones, ils ne comprennent pas bien la langue arabe. Et il veut apprendre l'anglais. Et il veut apprendre le français. Une fois, il m'a dit, ouais, j'aimerais que tu m'apprennes le français. Je lui ai dit, tiens, arabe, dis à Zaidoun Rakiban. Vas-y, fais l'année dramatique. Il n'a pas su. C'est-à-dire, ils ont besoin d'apprendre la langue du Coran. Et Cheikh Rahimallah, c'est une fatwa. Ça. Il disait, ne vous préoccupez pas de ça. Allah facilitera des gens qui traduiront. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand Cheikh Rabi' ou Cheikh Ahmed Najmi, Cheikh Ubaid al-Jabiri, Cheikh Zayd ou Cheikh Fawzan, ils font des muhadara. Ils trouvent des frères qui traduisent ou qui ne trouvent pas. Alhamdulillah. Jamais tu as vu Cheikh Fawzan, il a donné une heure de son temps en train d'apprendre du vocabulaire anglais là. Ça, c'est important, les frères. Eux, les kofars, ils font tout pour quoi négliger la langue arabe. S'ils pouvaient en faire en sorte de plus en parler, ils l'auraient fait. Alors que c'est la langue qu'on parle le plus sur la terre presque. Et pourtant, regarde, dans les écoles, on te la met comme troisième, quatrième langue. C'est vrai. Moi, jamais on m'a parlé. Je me rappelle qu'en cinquième, c'était le samedi. Regardez quand ils nous le donnaient samedi, tu ne veux même pas venir à l'école, ça y est. Il fallait vraiment que tu aies un père, il prie, machallah, il comprend le din. Moi, samedi, j'ai envie d'aller jouer. Toute la semaine, j'ai eu l'école et en plus, samedi, il faut que j'aille. Vous avez compris? Pourquoi ils ne l'ont pas mis en pleine semaine? On apprend. Regardez. Ça, c'est quoi? C'est tarté tête. C'est les juifs qui font ça. Parce que plus tu ne connais pas l'arabe, tu ne connaîtras pas ton din. Ça, c'est l'importance de la langue arabe. En Algérie, ils essayent de faire ça. Ils essayent de faire quoi? De faire bouger les Kabyles. Réclamer le Kabyle. Alhamdoulilah, Bouteflika l'a dit non. La langue arabe. Ils voulaient même les rues en Kabyle. Subhanallah al-Azim. Il ne faut pas croire que ça vient d'eux, ça. Pour ça, il faut qu'on donne de l'importance dans la langue arabe et on propage cette langue-là. Tu vois? Non. Ouais. C'est qui parle? Marwan. Et Marwan? Un adrosa, on a dit. Ouais. C'est une règle qu'on n'a pas vue encore. Ouais, on va le voir tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire, j'en ai parlé, j'ai dit, maintenant on va commencer le modara mansoub. Hein? C'est-à-dire, il ne sera plus marfoua. Et il faudra quoi? Un outil, comme un harf nasb, masdar ou istiqbal. Waridu un akhroja. Tu ne diras plus un akhrojo. Le fond? Hein? Adrosa l'oura l'arabia li afham al Qur'an al karim. Le fond? Naam. Comment? C'est quoi la tout, c'est... J'ai pas. La première page de le Mudaris, troisième livre. Ouais, le Mudaris. C'est-à-dire les vacances d'été. Ah, Outla, c'est le Mudaris. Et deuxième page, le Mudaris, pareil, le troisième aussi. Al-Ham. L'année prochaine. Al-Ham al-Mukbin, naam. Ouais. Non. La dernière parole de Moussa. La deuxième page. Ouais. La yumkinouni, la drossa, bil jamiati, fi amel mokbel. Non, l'ilaj. L'ilaj, c'est-à-dire, il a dit, barakallahu fikoum, oridu an adhaba ila wilayatil muttahida l'ilaj. Il veut aller où? Aux États-Unis pour se soigner. Cheikh Rahimallah, quand il l'a emmené aux États-Unis. Cheikh Mourbi, il a dit, je préfère mourir que retourner là-bas. Subhanallah. Alors que c'est quoi Darora, il fallait qu'ils partent. Tu vois? Ça, c'est des gens, ils ont compris Ma'ana al-Kufar. Tu vois? Cheikh Al-Uthaymeen, pareil. C'était vraiment, il fallait qu'ils y aillent. Et quand ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils sont dans la affaire. Tu vois? Comme c'est l'a dit. Al-Maut habbu ilayya. C'est mieux. Celui qui a compris ça, pourquoi? À n'importe quel moment, tu peux perdre ton din là-bas. Et wallah, ça c'est vrai. L'année où j'étais en France, wallah, subhanallah. J'ai cru que c'était une catastrophe. Tu passes des années ici, après d'un seul coup, tu te retrouves là-bas. Wallah. T'es perdu. T'es vraiment humilié, tu peux même dire. Wallah. Si c'est pas Allah qui m'avait sauvé, Allah musta'an. Wallah. Grâce à Allah et alhamdoulilah, des frères, ils m'ont aidé. Qu'Allah les récompense, wallah. Il y a une aide qui s'est soignée, c'est ça ? Pour les soins. Combien t'entends des frères, les pauvres ? Ils prient plus, ils se rasent la barbe. La sœur, elle a fait zina, la pauvre. Le frère, il a fait zina. Il y a chier, une sœur, elle a un enfant, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Aujourd'hui, un frère m'a demandé. Une sœur, elle a eu un enfant avec un mécréant. Si son père le sait, il va la tuer. Ya subhanallah. Vous savez qu'il y a plein d'accidents comme ça ? C'est-à-dire, nous on dit accident, mais en réalité, il y a plein de péchés. Je ne veux même pas dire accident. Il y a plein de péchés comme ça. Voilà. Non, une sœur. Quand on dit une sœur, c'est une sœur. Tiens. Regardez. Pour ça, ne prenez pas ça à la légère, les frères. Vivre dans un pays de mécréants, wallah, tu peux perdre ta religion. À n'importe quel moment. Wallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit, c'est-à-dire, tu peux dormir musulman et te réveiller mécréant. Et ça peut être l'inverse. Une sœur, subhanallah. C'est parce qu'il manque des frères. Un mécréant. Et adhan billah, un khinzir. Non. Si on parle de ça, c'est par rapport à quand tu vois les ilaj, les mutahida, ils apprennent l'anglais. Taïb. Comment? Le houdou, c'est avec calme. Hein? C'était une maladie au foie qu'il avait, rahimallah. Et quand il a vu l'Amérique, il a compris ce que les frères comme vous, ils ont laissé. C'est pour ça, dans son testament, il a dit « Alaykum bil ghuraba ». Ça veut dire « Occupez-vous bien d'eux ». C'est-à-dire, il a vu la catastrophe, mais il a vu également la dunya. Il s'est dit « Alhamdulillah, occupez-vous bien d'eux ». Tu vois ? Non. Allez, bismillah les frères. Taïb, exercice 2. Iqra ma qala lahu huma humayun lil mudarris. Thumma imla faragat fima yani ala dhu dhalik. Taïb, là il faut quoi? Il faudrait retrouver ce qu'il dit humayun dans le texte. Taïb. Comment se yuridu humayun en qu'est-ce qu'on mettra ici? En yajlisa amama c'était quoi? Amama al mudarris taïb li anna maq'adahu ba'id hakada hakada. Et après il y avait quoi? Maq'adahu ba'id an istabura wa la yara ma yaktubu al mudarris ala sabour. Non, c'est à peu près ça. Bismillah les frères, on fait directement l'exercice. Fayaqul kharajtu li. Avant de commencer l'exercice, ici ça parle de lam al-ta'lil. Lam al-ta'lil, on va le voir, min nawasib. Taïb, al nawasib, certains disent il y en a 4, certains disent il y en a 10. Taïb. Et là, on commence par quoi, barakallahu fikoum? Des outils qui permettent de rendre le fi'l al-mudari' mansoub. Taïb. Wa ma ma'na lam ta'lil barakallahu fikoum, ce sera la cause. Ça veut dire ce qui est avant et la cause de ce qui va arriver après. Mais faut ma'na alladhi qabl wa sabab. Wa alladhi ba'd wa al-musabbab. Ma ma'na hadha barakallahu fikoum? Regardez bien. On prend cet exemple. Nadrusu al-lugha al-arabiyya. Tout le monde suit? Hein, c'est un exemple. ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن الكريم. طيب ça veut dire là quand je dis on étudie la langue arabe pourquoi pour comprendre le Coran. Ça veut dire la cause, ça veut dire ce qui est avant, c'est quoi? C'est la cause pour comprendre quoi? Al Qur'an al Karim. Ou l'inverse, ça veut dire la compréhension, le fait qu'on veut comprendre le Coran, c'est la cause de quoi? D'étudier l'oral arabe. Hada ma'na lam ta'lil, ça veut dire ce qui est avant et la cause de ce qui va venir après. Ça veut dire quoi? Al fahm li Qur'an al Qur'an al Karim. Mais faut madame, inchallah. C'est-à-dire quoi, tu veux dire? L'âme ta'lil, c'est qu'on a l'âme, il y a qu'on le sabab. Ou l'âme dit yatibad, il y a qu'on le sabab. Tu comprends, Abdelmajid? Hein? Non, il n'y a pas de problème. Barakallahu fik. Hein? J'ai pas bien compris. Non, non, là, c'est moi qui vous explique. Parce que là, au niveau du tartib, il est rentré directement dans des exercices. Tu vois? Moi, avant de faire l'exercice, je vous explique. L'âme ta'lil, c'est quoi? Mais faut, c'est-à-dire la cause. C'est-à-dire maintenant, quand tu vas dire Nadrosu al-lugha al-arabiyya linafham al-Qur'an, le lam ici s'appelle lam ta'lil. Mais faut, madame. Et qu'est-ce que ça veut dire lam ta'lil? C'est-à-dire ce qui est avant et la cause de ce qui va arriver après. Mais faut, vous avez compris ça? T'as compris hein? Non, je répète, il n'y a pas de mal. Non. Ce qui est avant, c'est ce qui est avant le lam ou soit ce qui est non, avant? Ce qui est avant le lam. Regardez, prenez. Regardez. Barakallahu fikoum. Grand 8. Hein, exercice grand 8. Allez, tout le monde dit, Inch'Allah? Tout le monde dit, hein? Regardez bien ce qu'il dit. Iqra al-amthila al-atiya li lam ta'lil. Si on lit directement, vous n'allez pas comprendre. Alors moi, je vous explique. Ma'ana lam ta'lil. Taïb? Lam ta'lil, barakallahu fikoum. Ça va être quoi? Min adawat al-nasb. Ça veut dire que c'est un outil qui va rendre le fi'l al-mudara' mansoub. Mafhoum? Wa alamat al-nasb al-asliya ma hiya? Al-fatha. C'est compris ça? Maintenant, le fi'l al-mudara, il aura une fatha. Même ma'na al-an, lam ta'lil. Ça veut dire ce qui est avant, barakallahu fikoum, et la cause de ce qui va arriver après. On lit l'exemple. Nadrosu al-lugha al-arabiyya. Linafhama al-Qur'an al-Karim wa al-Hadith al-Nabawi al-Sharif. Mafhoum? Ça veut dire, barakallahu fikoum, maintenant, le fait de comprendre le Qur'an, vous avez compris? C'est-à-dire, c'est quoi la cause de ça? C'est le fait d'apprendre la langue arabe. Mais faut? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Taïb. Ça dure pour, non? Oui, pour, c'est-à-dire t'as la cause. Hein? Tu comprends, Abdelkader? Bien? T'as et toi? Et Mohamed? Non. Bien, bien? Qui a pas saisi ici? Hein? Othman? Il n'y a pas d'onde, c'est lui qui. C'est vrai? Taïb. Quand je te dis par exemple qama al mudarrisu li yaktub as sabura ala sabura. Ne traduis pas, c'est un détail. Ce qui précède l'alif, c'est quel alif? Lam ta'lil. C'est pas comme ça. C'est-à-dire la cause du qiyam là. C'est-à-dire la cause de l'écriture. C'est qui? C'est-à-dire le fait que le prof il s'est levé. Ça va être quoi? Le sabab qui va écrire. Me foumada? C'est compris ça, Inch'Allah? Il y a qama al-mudarrisu li yaktuba ala sabura. Me foumada? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de qiyam, est-ce qu'il aurait pu écrire par rapport à la phrase là? Là, on prend le troisième exemple. Kharajtu min al-fas li ashrab al-ma. Abdelhamid? Non, bien sûr, mais ça veut dire que la cause, c'est qu'il lui a permis quoi? De boire. Mais faut? C'est compris ça? Tout le monde a compris? Taïe. Maintenant, il y a une autre règle à savoir, car vous pourrez le trouver. De temps en temps, on peut trouver le N. Mais faut? Tu peux dire Nadrosu al-lugha al-arabiyya li an nafhama al-Qur'an. Voilà qui le plus, c'est qu'on le supprime. Mais faut, Mahada? Ouais, t'as d'accord. Non, non, il sera là. C'est-à-dire, il va apparaître. Parce que vous allez voir, Inch'Allah, soit dans le 2 ou dans le 3 ou dans le Moumter, ce sera encore plus complet. De temps en temps, le N, il a le droit d'apparaître, et de temps en temps, il n'a pas le droit d'apparaître. Et là, il fait partie de quoi, barakallahu fik, des endroits où tu as le droit de faire apparaître le « n ». T'as compris ? Mais le plus souvent, c'est qu'il est supprimé. C'est-à-dire, tu as le droit de dire ça à Sami, « Nadrusullur al-Arabiya, li an, nafham al-Qur'an ». Mais le plus, on l'utilise comment ?« Ida kan, lam al-ta'lil, alaykum salam ta'khul, li nafhama. » Hada wal akhtar. Mais tu as le droit de le faire apparaître. Mais après, il y aura d'autres, c'est-à-dire outils, adawat, où le « n », il est quoi ?« Mudmara ou jouben ». Tu n'as pas le droit de le faire apparaître. C'est compris ça ? Et on verra également des outils qui, eux, de lui-même, ils rendent le fi'l mudara' mansoub, comme an en lui-même. Uridu an adhaba. Kay, idan. Idan avec des chorotes. Et ça, on va le voir également. Mais sinon, le lam ta'lil ici, soit tu fais le lam en lui-même, et si tu veux, tu peux faire apparaître an, mais le plus souvent, il est supprimé. C'est pour ça qu'ils disent diawazan. Et celui qui veut en savoir plus, il prend par exemple Al-Mumta'a, Al-Ajrumiyya, il regarde Bab al-Nawasib. C'est-à-dire Al-Nawasib al-Mudara. Non. C'est bon ? Tout le monde a compris, Inch'Allah, là ? C'est-à-dire Lam Ta'lil, on dit il rentre dans quoi, là ? Al-Fi'l al-Mudara. Il le rend comment ? Mansouf. C'est compris ? Même à Lam Ta'lil. C'est-à-dire ce qui est avant, il est à cause de ce qui va arriver après. Mufhoum hada, Inch'Allah ? C'est-à-dire ce qui est avant, il est le sabab, et après, c'est le musabab. C'est compris ? Barakallahu fikoum. Et on a dit que quoi ? Qu'est-ce qui est sous-entendu après le lam ? N. Est-ce qu'on a le droit de le... Est-ce qu'il doit... il a le droit d'apparaître ou il n'apparaîtra... il va jamais apparaître ? Apparaître. Le plus souvent ou le... ou le plus... Ah non. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Barakallahu fikoum. Al-an naqra. T'as vu ? Alors là, il dit quoi ? Il dit... Fayaqul kharajtu. Et après, il nous a mis des mots. Ashrabu al-ma. Vas-y, Mohamed, tu diras. Li ashraba al-ma. On fait tous ensemble. Kharajtu li ashraba al-ma. Tu fais le deuxième. Je vois pas ça. Là, on revient à l'exercice. Là. C'est-à-dire l'exercice après grand 5. L'exercice après grand 5. Lima kharajtu li adkhula al-mirhad. Taïb, c'est comme si je vous dis limada kharajta, tu diras au suivant. Les arsila ouaji. Tout le monde y est, les frères ? Il n'y a pas de mal. C'est pour ça, arrêtez-moi avant qu'on fasse. Exercice après grand 5. Il nous a mis que des réponses. Et ça à toi, avec le lam ta'lil, tu le rends mansoub. On recommence, Inch'Allah. Taïb, tu dis kharajtu li ashra li ashraba al-ma. Taïb, kharajtu li adkhula al-mirhad. Kharajtu li arsila ouaji. Comment tu vas dire ? Tu vas dire le lam ta'lil ? Lam ta'lil, après ça, c'est. Cheikh Al-Uthaymeen, il prenait le madhab le plus simple. Il va dire, certains te disent c'est N. Mais faut, mais ça va venir tout doucement, Inch'Allah. Au suivant. Très bien. Kharajtu li adhaba ila al-mudir. C'est-à-dire, la cause de ta sortie, c'est quoi ? Pour aller rendre visite ou aller voir le directeur. Tfadali. أحسنت. خرجت لأقرأ الإعلان. Très bien. خرجت لأشتري دفترا. Il y a quelque chose avant, non ? À part si c'est pas la même édition. Moi j'ai خرجت لأعرف. Non, il y a pas ça. Hein? Si. Il y a ça vous ? Non. T'as quoi après أقرأ الإعلان ? Concentre-toi, Allah fadak. Là, les a'rifa. Dawda, hein? C'est-à-dire dawda, le vacarme. Les a'rifa sabab, dawda, au suivant. Kharajtu li ajlisa fi shams. Naam. Kharajtu li absuqa. C'est-à-dire pour cracher. Kharajtu li abasa. مفتاحي نعم خرجت لأسأل مدرس الفقه سؤالا très bien. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? طيب, il vous dit ينبي المدرس الطلاب لأجوب الناس بالفعل بعد اللام تعالى. Il te dit là, le professeur, ينبي, c'est-à-dire quoi ? Il doit dire aux élèves, barakallahu fikoum, qu'après lam ta'lil, le verbe il sera quoi? Mansoub. Taïb, iqra mayali. Ici c'est quoi? Barakallahu fikoum. Tu vois, avant de lire, il faut expliquer. Là, ce sera le même travail. Hein? Le verbe mudara va être mansoub. Ma wa sabab, an, harf, nas, wa istiqbal. Harf, ma'rouf, ma ma'na. Hein? Wa nas. C'est-à-dire que le verbe après va être quoi? Mansoub. Masdar. C'est-à-dire quoi? C'est que tu as le droit de rendre ce verbe au masdar, qui est quoi? La base. Ou à l'istiqbal, ce sera le futur. Hein, regardez bien. Uridu an adhaba ila al-mustawsaf. Tout le monde y est? An, c'est un harf. Taïb. Nasb. Est-ce qu'il a fait le travail? Regardez bien, on a dit adhaba. Taïb. Wa mata sayakun. Fi al-mustaqbal. Taïb. Il nous reste quoi? Al-masdar. Ma ma'na masdar? On l'a étudié. C'est-à-dire, tu pouvais dire quoi? Uridu dhahaba. Dhahaba. C'est comme si tu disais ça. Uridu dhahaba ila al-mustawsaf. Vous avez compris là? Tout le monde a compris ça? Abdelkamal? Hada ma'na al-masdar. C'est que tu lui ramènes son masdar. Taïb? Et le masdar, il peut être qu'on a dit quoi? Maf'ul bi, fa'il, majrur, mudaf, mubtada, khabar. C'est compris ça? Et là, quand tu dis ça, il sera. مفعول بي اريد الذهاب الى المستوصف طيب ان شاء الله tout le monde a compris. Alors an il fait partie de quoi barakallahu fik min nawasib, il rend le verbe mudara mansoub. طيب également au mustaqbal, c'est à dire ce sera plus hal. Tout le monde a compris ça inchallah. طيب ça fait maintenant vous avez deux outils qui vous permettront de quoi, de rendre le verbe mudara mansoub. طيب اريد ان اذهب الى المستوصف. Au suivant, on s'est arrêté où? Tfaddal. Nasitu an aqula laka shay'a. Atfab de Karim. Nasitu aqula laka shay'an. Regarde bien, c'est le 3 toi. Uridu an ahfadhu wa ahfadhu al-Qur'an al-Karim. Naam. Nasitu an aktuba al-darsa. An aktuba? An aktuba al-darsa. Comment on aurait pu faire le masdar ici? Qui veut le faire? Doucement, levez la main. Taïe, vas-y. Ça veut dire quoi ici? Naseitu kitabata ad-darsi. Me faut? Ah, je vous avais dit, c'était quoi le masdar de kataba? Vous vous souvenez de ça ou non? Voilà. Hada ma'ana. Ça veut dire là, an, harf, nas, wa masdar, wa, istiqbal. Et si tu veux ramener le masdar de quoi? De kataba. Il faut que tu l'apprennes. Tu diras quoi? Uridu kitabata darsi. Comme c'est un ism, on dira quoi? Kitabata darsi. Me faut madan, inshallah, le masdar? Taïb. Uridu an adrusa al-lughata al-arabiyya li'anna lughata al-Qur'an al-Karim. Naam. Ici, Abdelmajid, c'est quoi le masdar? Comment tu peux nous le mettre au masdar? Uridu an darsa. Là, Anne, il n'est plus là, Anne, comme ça là. Qui connaît Ayman? Dirasa. Hakada. Hein? Uridu dirasa. Mais vous, l'orata al-arabiya. T'as pour ça, prenez bien vos masdar. Ahsan. Au suivant. Uridu an as'alaka. An as'alaka. An as'alaka. Su'alan. Ya Oustad. Très bien. Très bien. Tu veux que tu dises à lui quelque chose? Yuridu. Yuridu akhi an yadrusa bil jami'ati al islamiyya. Très bien. Nasitu an aktub al unwana ala dhafar. Ala? Dhafar. Non, dhaf. Non, dharfi. Je crois qu'il y a une erreur là. C'est dharf. Il n'y a pas de fatha sur le. C'est dur de prononcer. Ala dharf. Il y a une seconde, bismillah. Taïf. Ici, Kamal, qu'est-ce que tu dis? Nasaytu an aktuba al-unwana ala dharfi. Le masdar. On l'a fait, le masdar qui était là-bas. On l'a fait, ouais. Tu diras, nasaytu kitabata. Kitaba. Unwan. Ajib anil as'ila al-atiya musta'milan an. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ عثمان، vas-y. C'est qui? T'as pas fait toi? Vas-y, تفضل, réponds. Tu verras. tu réponds, tu es à un bon endroit, Charles. أريد أن أريد أن نذهب إلى مكة. Mais prononce la fin. Pourquoi c'est bon? مكة. Non. Par rapport à N, Allah يبارك فيك quand même. أريد أن أذهب إلى مكة. طيب. إمباب فائدة. Le verbe أريد, si tu lui fais, c'est-à-dire si tu le fais suivre d'un verbe, attention, hein, il faut lui ramener N. Tu peux pas dire أريد أذهب. Là. Ça, il y a des verbes, on va les voir, Inch'Allah. Si tu utilises certains verbes, ils ont besoin de N et du verbe. Vous comprenez ce que je dis là? Hein, tu dis Oridu. Et ça, remarquez-le. Oridu an adhaba. Aturidu an tadhaba. Aturidu an ta'kula. Il n'y a pas Aturidu ta'kulu. Vous avez compris? Aturidu tajlisu. Là, il y a certains verbes comme ça. Il lui faut la particule N et le verbe mudara. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Si tu ramènes le verbe le mudara. Amma, si tu ne veux pas ramener le mudara, qu'est-ce qu'il faudra ramener? Le masdar. Mais faut mada? Hein? Aturidu dhihaba ila Mecca? Vous avez compris ça? Tu ne dis pas aturidu tadhabu. Là. Et ça, après, Inch'Allah, il y a d'autres verbes comme ça. Qui n'a pas compris ça, je répète? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Et là, vous allez vous-même le remarquer. لما تريد أن تدرس اللغة العربية؟ ها رياض يادي أن تدرس. أتمنى. نعم. أحسن. أوني نفهم القرآن الكريم. مع من تريد أن تلعب؟ أريد أن ألعب. لا أن ألعب. ألعب. خبيا. مع أخي أو. من أي إذاعة تريد أن تسمع الأخبار؟ Très bien. Vous avez compris, Inch'Allah? Regardez. Mada turidu an tashraba, ya akhi? An ulida, an ashraba. C'est déjà an ulida? An ulida. Attends, il y a eu 7. Mada turid an tashraba, ya akhi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as envie de boire? Ana ulid an ashraba, asir. Inch'Allah. لما تريد أن تذهب إلى الطبيب؟ أريد أن أذهب إلى الطبيب لأنني مريض. خير يا ما شاء الله. ماذا تريد أن تأكل في العشاء؟ أريد أن أكل فول. طيب. ماذا نسيت؟ نسيت أن أكتب الدرس. خير. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Ah, c'est-à-dire là, on a vu quoi? Que an, il rend le verbe au mudara comment? Mansoub. Et on a vu également une autre faïda, que certains verbes, il est utilisé, il aura besoin quoi? D'être suivi de an et de son verbe au mudara. Mais fomada? Et si tu le fais suivre ce verbe, ça veut dire si tu ne veux pas utiliser le verbe, tu vas ramener quoi? Le masdar. Mais fomada? Par exemple, si tu dis là, aina turidu an tadhaba, tu diras quoi? Uridu dhihaba. Mais fom? أما أن تقول أريد أن أذهب مفهوم إن شاء الله؟ ça veut dire quoi Abdelkarim quand tu dis أن حرف ça c'est compris نصب منصوب ça veut dire il va rendre le verbe مضارع منصوب ومصدر مصدر ça veut dire que أن est le verbe qui viendra après ça veut dire c'est par exemple ذهب ça veut dire il changera il viendra au مصدر والمستقبل مستقبل مستقبل il accepte ça veut dire qu'il sera au futur طيب إن شاء الله اقرأ الأمثلة الآتية للعب من تعليل طيب لم تعليل الله يسبكها طيب يغون لفع مضارع ومنصوب طيب بسم الله سيكون لك شواء ونحن لا نقوم بها بسم الله أدرس لغات العربية لنفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف على الحديث إلى parole du prophète Sassam al-Nabawi, la prophétie, Sharif noble. Très bien. L'Yashtariya. Là, tu fais prendre, tu peux le faire apparaître. L'Yashtariya. Non. Siyaratan ou Siyarata? Siyarata, c'est. Ouais, regarde. Si tu dis liyashtariya siyara. Liyashtariya siyara, il y a une différence? T'as compris? Si y a l'if ou l'am, c'est que tu sais quelle voiture il part acheter ton père. Ah, là. Mais si tu dis siyara, il est parti pour acheter une voiture quelconque. Au suivant. لنعبده نعم هذا هو la vraie cause de notre création. دخلت الحمامة. دخلت الحمامة لأغسل وجهي. نعم. ذهبت إلى المكتبة. C'est toi qui parles, hein? ذهبت. ذهبت إلى المكتبة البريدي. لأخذ برقيات التي جاءتني من أبي. Très bien. فتحت النافلة ليدخل الهواء فدخل الذباب. Très bien. C'est bien. ذباب. C'est les mouches qui sont rentrées. C'est-à-dire toi t'as dit فتحت النافلة. J'ai ouvert les fenêtres ليدخل الهواء. Pourquoi? Pour que l'air rentre et c'est les mouches qui sont rentrées. Suivant. يا حمزة أذهب الآن إلى سوق لأشتري دفاتر وأقلاما لولك لسعادة. لا أقلاما لي ولك ولسعاد. طيب أجيب عن الأسئلة الآتية مستعملا لام التعليل. Il te demande d'utiliser l'âme ta'lil. Taïb, à toi Abdelkarim. Lima, dakhaltoum al-mat'am. Tu diras Al-khulu al-mat'am. Là, là, regarde bien. Lima, dakhaltoum al-mat'am. Toi, directement, tu nous mets la cause. Dakhalna al-mat'am. Pourquoi tu rentres dans un restaurant? Li nashraba. Taïb, li nashraba ou li na'kula. Très bien. Je sais pas ce qui est très parenthèse. Ah ouais, c'est. Taïb, j'ai pas fait attention. Barakallahu fik. Afouane. Très bien. Tu avais bien répondu. J'avais pas vu qu'il y avait le verbe entre parenthèses. Ah, lima dakhaltumul mat'am linashraba. Jazakallahu khair. Au suivant. Lima kharajta min al madrasati linashtara qalamun. Tu as kharajtu min al madrasati lina linashtara qalam. Là, regarde bien. C'est toi qui vas répondre. Li ashtariya. Li ashtariya. Ouais, parce que là, il vous met la personne aussi. Hein. Lima dahabta ila qaryatika yawm al jumu'ah. Il est à Zora. Ben, il est là le verso, c'est moi qui te l'a dit. Il est à Zora, Abi, Aou, Akhi. Lima dhabtunna ila al-maktabati ya akhawat. Dhabna ila al-maktabati li akra'a. Li nakra'a. Li nakra'a al-Qur'an. Non. Lima jaa akhuka min madinati al-munawwara. Jaa akhi ya dhousa. Très bien. Lima kharaja zamiluka min al-fas. Zahir, il est sorti de la classe pour aller laver sa voiture, Mohamed. Non. C'est ça? Attends, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallah fikoum, parce que comme la lumière s'est éteinte. On finira demain.